Le Comité national d'études du kim-il-sunisme-kim-jong-ilisme du Nigeria a inséré dans son page internet un écrit titré « Les Américains doivent abandonner la tentative d'occupation perpétuelle de la Corée du Sud et retourner chez eux ».